pana carriole, bagolo bago finga. Iti guanzi ya ya merco de mille. Ami, ma jata na sanga ki epena yo seni male, yo prometa ki ngai loko bala na papa. Onga ni saka papa esi kato uti peto kokele, baka muke ma mungisi yo zela ni bala. Gabe mundo. Yajito Adjou Yajo Sino Lito Mbanga Smith Diane Rambo Na Panama Baki Makambula na mon pépété Kilem Mbete Kambé Emile Oboyo J'ai donné à la Kani Giorgio Boni Atou Marie Antoinette Men La Camerounaise Jamais, jamais Chérie